fait, je suis en vacances, alors je glande toute la journée sur une botte. Il n'y a personne aujourd'hui, il n'y avait personne. Ah, si, il y a une grise qui est l'après-midi. Il y avait les habitués l'après-midi. Manu, Jose, Jose. Thank you. We'll be right back. Thank you.